Vous aimez l'histoire? Vous voulez transmettre cette passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Alors entrez dans la bibliothèque à remonter le temps. La nouvelle collection que vous attendiez. Les plus grands historiens, des ouvrages clairs, courts, illustrés, qui racontent notre passé pour donner sens à aujourd'hui et à demain. La bibliothèque a remonté le temps, l'histoire pour tous, aux éditions du Cerf. Premier tome paru, le néolithique, les vikings, les dieux égyptiens, de Gaulle. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tiens, une exposition si vous cherchez quelque chose à faire. Ce 15 avril 1874 à Paris, rendez-vous au 35 boulevard des Capucines. Mais si vous savez, c'est l'ancien atelier du photographe Nadar. C'est là que s'ouvre l'exposition organisée par la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs. Avec un peu de chance, on va bien s'amuser comme il y a un peu plus de 10 ans au Salon des Refusés, vous savez, celui de 1863. De toute façon, le salon officiel n'a pas encore ouvert ses portes. Et puis, il paraît qu'il y a les mêmes peintres dans ces deux salons. Oui, oui, 1874, Paris, première exposition de ces peintres un peu ravageurs. Oui, oui, sûr, on va s'amuser. Savez-vous comment le roi les appelle, ces peintres? Les impressionnistes. C'est en 1874 qu'un journaliste devant une toile de Claude Monet inventa le mot impressionnisme. Mon père d'ailleurs n'était pas du tout d'accord car dès le début, il a détesté ce mot impressionniste. Ce fut le point de départ de la réelle technique impressionniste. D'abord par la clarté de couleur, la franchise des masses, la qualité des impressions. Voilà, c'était une campagne de calomnie. Et puis petit à petit, les choses se sont atténuées et les impressionnistes ont été admis. Ah bah, il a fallu du temps pour qu'il soit admis. Bonjour Sylvie Patry. Bonjour. Faut rappeler hein, l'ampleur de ce scandale, au sens où il est partout dans la presse. C'est vraiment quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Alors oui et non en fait. C'est effectivement, ce sont des peintures qui vont surprendre, qui vont déconcerter le public de l'époque. Mais en fait, ce scandale, il va se fabriquer avec l'histoire. En fait, c'est un événement qui va faire événement a posteriori, après coup, et précisément au moment où datent les archives que vous venez de passer, et Jean Renoir qu'on a entendu va vraiment participer à cette légende de l'exposition de 1874. Mais il y a effectivement cet article dont on parle dans les archives que vous venez de passer, un article de Louis Leroy qui paraît dans le Charivari, donc un journal satirique. Comme vous l'avez dit, on aime beaucoup s'amuser au 19e siècle et on a souvent la plume féroce. Et effectivement, à partir du titre d'un tableau de Claude Monet, Impression Soleil Levant, que nous montrons dans l'exposition du musée d'Orsay, il emploie ce mot impressionniste qui va s'imposer peu à peu en fait. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on veut montrer dans l'exposition. Oui, parce que cette exposition joue sur le temps court de l'exposition. Une exposition, ça dure quelques semaines, en 1874 à Paris, mais il y a l'écho de cette exposition sur le après et puis le avant. Bonjour Anne Robbins. Bonjour. Cette exposition, elle n'était pas évidente et d'ailleurs on peut rappeler là aussi que le mot impressionniste, c'est pas du tout un mot qui est utilisé au moment de l'exposition de 1874. J'ai rappelé hein, le nom de cette société, c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs qui mettent ça en place. Ce sont des artistes qui sont réunis dans le but de créer une exposition. Exactement. Donc ça, c'est leur but principal. Donc quand ils s'assemblent, alors ils en ont l'idée dès 1867, mais le projet arrive à son terme en fait en décembre 73. Ils se rassemblent pas autour d'un principe esthétique. Il n'y a pas de manifeste qui sous-tend leur initiative. Ils se rassemblent pour exposer leur travail de manière indépendante. Donc leur motivation, elle est principalement économique. C'est la chose qui les lie, d'où d'ailleurs la variété de profils qu'on va rencontrer dans le groupe impressionniste, en tout cas dans la première exposition impressionniste. C'est-à-dire que on a une société anonyme, c'est une organisation dans laquelle les différents participants contribuent, il y a de l'argent à mettre en jeu de façon à pouvoir être exposé. C'est comme ça qu'on doit comprendre cette société anonyme ? Oui, exactement. Donc en fait, c'est une. D'ailleurs, elle se fonde sur une coopération de boulangers de Pontoise. Donc c'était le modèle sur lequel, en tout cas, Pissarro s'est fondé. Et Pissarro joue un rôle important puisqu'il est président du conseil d'administration de la société. Et le modèle est participatif. Donc en fait, chaque participant va cotiser. Donc va apporter une participation qui est de 60 francs par an. Donc sachant que donc créer ce pot commun auquel va s'ajouter le bénéfice, les recettes des entrées à l'exposition, les ventes des catalogues, et puis un pourcentage qui est prélevé sur chacune des ventes. On ne peut pas comprendre ce mouvement-là sans mettre de côté l'économie du commerce, et puis pour tous ces individus, ces peintres, ce besoin de vendre les toiles. De quelle manière vendre l'étoile ? Bon, ben voilà, ça, une société anonyme, c'est un moyen assez original d'ailleurs. Mais c'est un moyen original, c'est un peu une première en fait. C'est pour ça que cette exposition elle est très intéressante. Et effectivement, c'est à la fois le fruit de cet appareil législatif qui se développe à la fin du Second Empire. On est dans le contexte de ce libéralisme économique qui se développe et qui s'affirme. Dans le contexte aussi, dans un contexte politique très précis, Anne a cité cette société coopérative inspirée de statuts d'une société de boulangers. Donc ça, c'est le côté Pissarro, donc un des peintres impressionnistes et un des fondateurs, et très engagé à gauche. Donc on a en plus des sensibilités politiques très différentes. Et pour ce qui est des buts de la société, exposer, vendre, publier une revue, ça ils n'y arriveront que plus tard. Et cet accès au marché, il est vraiment important à ce moment-là. Donc le marché de l'art se développe en France, en Angleterre, et les impressionnistes, enfin ceux qu'on va appeler les impressionnistes, ils ont fait pour certains une rencontre décisive lorsqu'ils étaient à Londres, lorsqu'ils ont fui la guerre et la Commune à Londres, ils ont rencontré Paul Durand-Ruel, qui est un marchand qui va s'intéresser à eux au début des années 1870. Mais en 1873, il y a un crash économique, crash boursier, et Durand-Ruel perd une partie de ses moyens financiers. Et une histoire qui avait bien commencé à ce moment-là, puisqu'il avait commencé à acheter des dizaines de tableaux à ses futurs impressionnistes, il cesse tout achat. Donc en fait, en 1873-1874, les impressionnistes se trouvent dans une situation où pour exposer et pour vendre, ils ont le salon, cette grande exposition annuelle officielle, ou le marché. Et ces deux voies sont un petit peu bouchées pour eux. D'où cette volonté d'être indépendants, autonomes, et de prendre en main en fait leur destin, et d'organiser finalement un contact direct entre leurs œuvres et les clients potentiels de l'époque. Une sorte de collectif d'artistes, en fait. Collectif d'artistes, mais qui ne signifie pas se fermer les autres portes. Hein. Ce n'est pas l'idée d'exposer dans cette exposition indépendante qui va les priver d'aller quand même au salon. Non, exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Ils ne veulent pas apparaître comme des révoltés. Ils tiennent à cette idée. Ils veulent se donner cette sorte de crédibilité. Alors, ce qui va faire que dans le recrutement d'artistes, on va trouver des profils extrêmement divers, dont des artistes qui sont des habitués du salon, donc comme des gens comme Lépine, comme Denitis. Et c'est quelque chose qui est consciemment recherché. Par exemple, donc Degas, quand il va jeter ce filet pour avoir le recrutement le plus large possible, puisque chaque nouveau cotisant à la société rend l'entreprise plus financièrement viable, il va en fait cultiver ce type de profil. Il a même cherché à recruter Henner, qui était président du jury, ce qui est incroyable et ce qui bouscule nos espèces de préjugés sur la première exposition impressionniste comme étant un groupe de révoltés, de révolutionnaires. Il n'en était vraiment rien. Il voulait se donner cette crédibilité. Le président du jury officiel, celui qui va sélectionner les tableaux pour le salon officiel, c'est ça. On a voulu le recruter pour l'exposition des impressionnistes. C'est sûr qu'on n'a pas cette image-là en tête. Hein. Exactement. Non, il était membre du jury, oui, à côté de Meissonnier, de Bougreau, de Cabanel, enfin de tous ceux qui étaient les grands noms de la peinture à l'époque. avec ici un monde qui est en fusion constante et surtout en proximité. Il y a beaucoup de porosité dans cette histoire-là. Et Sylvie Patry, dans l'histoire que vous nous racontiez au sujet du scandale en disant que c'est une construction postérieure, on peut dire que c'est un peu la même chose. L'idée qu'il y a une séparation très nette entre des artistes liés au salon, ce qu'on appelait l'art académique ou l'art pompier, et puis d'autres artistes rebelles, la mèche au vent. Non, c'est pas cette vision-là qu'il faut avoir. La situation était en effet plus nuancée, plus complexe et plus riche d'ailleurs. Du coup, et effectivement, donc un tiers des exposants de la manifestation dite impressionniste de 1874 exposés au salon cette même année. Et puis il y avait des thématiques finalement communes. Cet intérêt des impressionnistes pour la vie moderne, elle est partagée par des artistes qui exposent au salon, la prédominance du paysage de même, on retrouve des paysages de plein air également au salon. Alors il ne s'agit pas de dire que l'impressionnisme du coup perd sa radicalité et sa modernité, hein, mais juste de mieux comprendre comment ça s'est passé. Oui, c'est ça, c'est comprendre comment en 1874, au mois d'avril, on en arrive à ouvrir une exposition et voir l'importance de cette exposition, parce que on le sent bien, s'il y a des artistes qui sont à la fois au salon officiel et à l'exposition, il y a malgré tout une démarche qui est particulièrement originale, ne serait-ce que par le choix du lieu. Nul sans doute ne s'est aussi profondément identifié à son siècle que Félix Tournachon, dit Nadar. Un homme étonnant, écrit Jules Verne. Il voyait tout en grand, sauf les difficultés et les hommes. Étudiant en médecine, puis journaliste dans des gazettes éphémères, c'est par la caricature d'abord qu'il va nous laisser quelques-uns des portraits les plus précis de ses contemporains. Mais en 1853, Nadar découvre la photographie. Tout de suite, il comprend le parti qu'on peut tirer de cette diabolique chambre noire que Niépce vient tout juste de mettre en circulation. Non-conformiste, volontaire et obstiné, chevaleresque et désintéressé, doué d'un sens aigu de l'observation. Sa verve s'exerce dans tous les milieux. Il est le témoin lucide de son époque. Nadar, un prodigieux bonhomme. Portrait de Nadar dans les actualités françaises en 1965, version hagiographique. On peut le dire, Sylvie Patry, Anne Robbins, vous êtes conservatrice du patrimoine, Anne Robbins au musée d'Orsay, Sylvie Patry, directrice artistique de la galerie Kamel Menour à Paris. Pourquoi Nadar dans cette histoire ? Certainement le fruit du hasard. Ils se rencontraient au café Gerbois, donc il y avait des liens personnels. Et il se trouve que Nadar donc avait occupé deux étages de cet immeuble, 35 boulevard des Capucines, qui était déjà un haut lieu de la photographie sous le Second Empire. Et il y avait notamment les ateliers du photographe Le Grès. Donc toute la bonne société avait pris l'habitude de venir se faire photographier au 35 boulevard des Capucines. Et Nadar avait donc loué deux étages qu'il avait profondément transformés, et certains critiques de l'époque, certains journalistes parlaient de cet atelier comme un palais des fées. C'est un moment où les ateliers de photographes sont des lieux de visite, doivent être très, très prestigieux. Mais tout ça coûte cher, et Nadar a du mal à supporter ce loyer, donc il s'installe non loin, et ses locaux sont vacants. Donc il va les louer. C'est pour ça que j'ai un petit peu levé les yeux au ciel quand, dans le reportage, on parlait de la générosité ou du désintéressement de Nadar, qui est un vrai homme d'affaires. Et bon, on le comprend, hein, ceci dit. Et donc il loue à cette société d'artistes les locaux. Et ces locaux vont accueillir une exposition de tableaux. Là aussi, tout est inventé. Exactement. Le lieu est vide puisque Nadar est parti avec le contenu. Donc, quand il s'installe rue d'Anjou, il emmène son mobilier, son matériel de photographe et tout ce qui en faisait le décor. Donc, c'est une cellule vide sur deux niveaux. Donc, le deuxième et le troisième étage que ceux qu'on va bientôt appeler impressionnistes vont investir. Alors, une des difficultés à laquelle on s'est mesuré, nous, co-commissaires de l'exposition, c'est qu'il n'existe aucune trace visuelle de cette première exposition impressionniste. Donc aucune image, aucun document qui permette de se faire une idée de la manière dont elle était accrochée, ce qui est très frustrant, mais en même temps, voilà, stimule des recherches. Donc on s'est fondé sur le catalogue de cette première exposition impressionniste, dont il existe deux éditions, source évidemment première, sur les recensions des journalistes donc qui se promènent, qui déambulent dans les salles et donc nous donnent des indices parfois très précis de ce qu'ils voient et où ils le voient et comment les œuvres sont accrochées, lesquelles, dans quelle proximité. Et donc c'est à partir de ces éléments qu'on a essayé de réfléchir à comment se présenter cet accrochage, quelles étaient les modalités de présentation qu'on choisit ces artistes. Parce que c'était un enjeu en fait important. On a parlé de la volonté d'exposer, de vendre, mais il y avait aussi de la part de ces artistes la volonté de montrer les œuvres différemment de la manière dont elles étaient montrées au salon. Au salon, on avait un accrochage alphabétique, souvent sur plusieurs rangs. Donc non seulement il fallait être accepté, mais une fois qu'on était accepté, il fallait être bien placé. Et parfois, on était placé tout en haut et les œuvres passaient inaperçues. Donc il y avait cet enjeu de prendre la maîtrise aussi du nombre d'œuvres qu'on expose, parce qu'au salon c'était limité, alors de temps en temps, en fonction des années, à 2 ou à 3 œuvres par artiste. Là, chez les impressionnistes, on expose une dizaine d'œuvres si on le souhaite. On peut mélanger des œuvres sur papier, comme on dit dans notre jargon, des dessins, des aquarelles et des tableaux. Et donc, ça met en avant aussi la personnalité de chaque artiste. Donc, comme le disait Anne, on ne sait pas précisément, parce que les témoignages sont épars, comment tout était accroché, mais on a une forte présomption selon laquelle c'était quand même un peu monographique. Donc chaque artiste pouvait quand même mettre en valeur sa création et se distinguer comme individualité. Et c'est vraiment un des sens de cette exposition de 1874. C'est vraiment un moment de très forte affirmation de l'artiste comme maître du jeu dans un monde de l'art qui est en évolution. Et on en voit l'écho jusqu'à aujourd'hui, cette centralité de l'artiste. Et puis la manière d'accrocher, tout simplement, est une révolution. Bien sûr. Alors déjà, le lieu s'y prête puisque c'est un ancien atelier de photographe avec une très grande surface vitrée. Alors avec, par ailleurs, c'est un lieu extrêmement moderne. C'était tout de même l'atelier de Nadar qui était au tout premier plan dans les années 1860. C'était un très grand photographe. Alors l'atelier, par exemple, a un système de climatisation. Donc avant l'heure, avec une cascade de rocailles qui recueille les eaux pluviales et humidifie l'air en plein été, un système de chauffage. Donc déjà, c'est très confortable. Et puis, les baies vitrées font que les œuvres sont présentées en pleine lumière, enfin sous le meilleur jour possible. Et effectivement, ces questions d'accrochage sont vraiment au cœur de ce que recherchent les impressionnistes en 1874. Degas, qui est particulièrement déçu par le salon. D'ailleurs, en 1870, c'est la dernière année où il va y montrer son travail. Il publie dans un journal, dans Paris Journal, une lettre dans laquelle il se plaint ouvertement des conditions de présentation du salon et dans lesquelles il réclame une organisation des œuvres sur deux rangs. Et là, pour le coup, donc, dans la première exposition impressionniste, ils peuvent laisser libre cours à leurs idées de présentation de leurs œuvres. Ils sont seuls organisateurs, ils sont les seuls à la manœuvre. Donc effectivement, Sylvie a dit une présentation monographique qui n'est pas alphabétique. Donc ça, on en sait suffisamment pour dire voilà, Renoir et Degas étant présentés dans la première salle, je crois que voilà, ça va à l'encontre de l'ordre alphabétique. Et mettre ça vraiment, c'est une question centrale. La question de présentation de leur travail est tout à fait essentielle. Et dans l'exposition Paris 1874 au musée d'Orsay, inventer l'impressionnisme, il y a ces deux manières d'accrocher. Où on peut parler de reconstitution du salon de 1874. Et puis de la manière d'accrocher dans cette exposition des impressionnistes. C'est très différent par rapport même à la proximité des tableaux. Oui, au salon, les tableaux étaient, comme on le dit, à touche-touche, bord à bord. Et c'est vrai que Anne et moi, on a vraiment voulu montrer, faire sentir plus exactement, parce que c'est des choses qu'on lit, mais pas forcément des choses qu'on expérimente. Donc ça nous paraissait très important qu'on le vive, en fait, que le visiteur d'aujourd'hui le vive et comprenne du coup les différences et à quel point le public de l'époque a pu être désarçonné par cette exposition chez Nadar. Désarçonné. Savez-vous comment le roi... Un éminent critique. Les appels, ces peintres, dans le Charivari, les impressionnistes. Et vous savez qu'ils en sont fiers. Peut-être, mais l'impression y est. Oh. Eh bien, elle est drôle, l'impression. Bon, laissez-moi tranquille avec votre impression. Je n'ai ni fait ni à faire. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, c'est qu'il doit y avoir de l'impression là-dedans. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore mieux fait que cette marine-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben vous voyez, gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Oh, oh. Ce sont des raclures de palettes sur une toile sale. Ça n'a ni queue ni tête. Ni devant, ni derrière. Vous savez ce que M. Philippe Burki a le front d'écrire ce matin dans la République française? Non. Alors écoutez, cette exhibition nous intéresse. D'abord par la clarté de couleur, la franchise des masses, la qualité des impressions. Tout le monde y est pris et en convient. Voilà donc un jeune bataillon qui fera sa trouée. Il a déjà conquis, et c'est le point, ceux qui aiment la peinture pour elle-même. C'est complet. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une imagination. Toutes les phrases prononcées furent écrites par les plus célèbres critiques de l'époque. Nous les avons choisies dans la presse du temps. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 1974, l'ORTF s'amuse à reconstituer l'exposition de 1874 avec toutes ces critiques. 15 avril 1874, c'est l'ouverture de cette exposition. Le salon officiel, lui, n'est pas encore ouvert. C'est-à-dire que là, on a un divertissement pour les Parisiens, les Parisiennes qui ont envie de voir des œuvres, mais le salon n'étant pas ouvert, bah, on va voir la nouveauté ici. La nouveauté peut se voir à Paris, il faut le rappeler aussi. Il n'y a pas que le salon, hein. Il y a le musée du Luxembourg qui est alors dédié aux peintres vivants. Enfin, il y a quand même une vraie vivacité, une vraie curiosité pour tout ce qui est création au moment où les gens veulent les voir. Oui, d'ailleurs, alors la date du 15 avril est significative. S'ils ouvrent 15 jours avant le salon, c'est précisément pour se donner une visibilité plus grande. Il profite du fait que le salon n'est pas encore ouvert pour capter l'attention des critiques qui n'est pas encore accaparée par le salon. Donc tout ça, ça fait partie d'une opération presque de marketing qui met en place d'ailleurs très, très, très intelligemment. Mais effectivement, le paysage parisien, le paysage artistique parisien en 1874 est plus vaste, puisqu'il y a aussi des expositions de sociétés, des expositions de marchands. Je crois qu'on en a dénombré à peu près 25 pour l'année 1874, des expositions commémoratives d'artistes récemment décédés. Alors cette année-là, c'est Chantreuil à l'École des Beaux-Arts, et puis Prudhon, des expositions d'œuvres provenant de collections privées. Enfin, le panorama est large, mais c'est vrai qu'on a voulu faire ce parallèle entre le salon de 1874 et la première exposition impressionniste pour que nos visiteurs prennent bien la mesure du décalage entre les deux en termes d'échelle, de taille des œuvres, de nombre d'œuvres, de mode de présentation. Et de sujets. Et évidemment, de sujets et puis de nombre de visiteurs aussi, du nombre d'œuvres exposées et de visiteurs pour les voir. Avec, pour le salon, on le voit bien, on évoquait les sujets représentés. Un contraste saisissant avec ce qui est proposé à l'exposition des peintres qu'on n'appelle pas encore impressionnistes en 1874. C'est-à-dire que même si il faut écarter une idée sombre du salon faite d'œuvres très académiques ou religieuses, on a beaucoup de sujets qui sont liés à l'histoire, à la religion, pourquoi pas. Mais vous l'avez dit, Sylvie Patry, il y a des paysages, il y a un lien quand même avec ce que font les peintres impressionnistes. Oui, il y a une porosité, mais il y a aussi des vrais antagonismes. C'est vrai que le salon se rêve encore comme la vitrine de la grande tradition, donc de la peinture d'histoire, de la peinture religieuse, et d'ailleurs une part des critiques ne cesse de déplorer l'essoufflement de cette tradition et conspue justement cette croissance, cette domination du paysage, du portrait qui sont jugés comme étant des genres bourgeois. Donc le salon, en fait, c'est une institution en crise dans les années 1870 et cette, à tel point d'ailleurs qu'en 1880, l'État qui va se désengager de l'organisation du salon et va dire aux artistes, bon écoutez, vous n'êtes pas contents, ça ne vous convient pas, débrouillez-vous. Donc on va changer ce système. Et le salon, c'est une toute autre échelle aussi que l'exposition des impressionnistes. C'est plus de 3000 œuvres, plus de 300 000 visiteurs. Quand chez les impressionnistes, on peut voir autour de 215 œuvres et on a dénombré 3500 environ visiteurs payants. Bon, certains sont rentrés gratuitement, donc il y en a eu un peu plus. Mais vous voyez la différence d'échelle. Donc il y a vraiment effectivement à la fois des genres qui se rejoignent, cet intérêt pour la vie moderne, pour le paysage, pour le portrait, mais effectivement des scènes d'histoire, par exemple, on pense qu'il n'y en a eu qu'une à l'exposition impressionniste, on ne sait même pas ce que c'est, on le déduit du titre de l'œuvre, mais voilà, ça vous donne quand même une idée de la différence. Anne Robbins, vous nous avez dit qu'il y a donc ce catalogue qui est une source formidable pour cette première exposition des peintres impressionnistes. C'est facile d'identifier les tableaux à partir du catalogue ? Pas vraiment, non. Non. Donc il y a 165 numéros dans le catalogue. En réalité, on pense qu'il était montré plutôt autour de 215 œuvres, dont une cinquantaine sont identifiées avec certitude. Donc il nous a fallu, c'est vrai qu'il nous a fallu, ça c'est ce à quoi on s'est employé ces trois dernières années avec Sylvie, travailler à en identifier de nouvelles, ce qui n'est pas toujours tâche aisée en raison du caractère très très vague, très générique de certains des titres, donc Études de ciel, Bord de Seine, donc ce qui effectivement complique le travail. Mais dans l'exposition du musée d'Orsay, on en a 28, on en présente 28 qui étaient fermement identifiées. Donc 28 œuvres avérées comme ayant figuré la première exposition impressionniste, donc ce qui est déjà ce dont je crois qu'on peut déjà être assez fier. Il y a eu deux éditions du catalogue de la première exposition impressionniste, la première étant particulièrement précieuse parce qu'elle elle comporte, c'était celle d'un des exposants qui s'appelait Alfred Meyer, qui était un émailliste, alors là aussi très intéressant parce que ça nous dit toute la variété des médias, des techniques qu'on pouvait voir dans cette exposition. Et ça, c'est vraiment unique à l'exposition de 1874. C'est cette très grande variété d'objets, donc où finalement les peintures étaient minoritaires. C'était la technique dominante, c'était la gravure. Il y avait aussi, donc il y avait un émailliste qui montrait des émaux, des émaux souvent reproduisant des œuvres de la Renaissance. Un sculpteur, Autin, qui avait été pris de Rome dans les années 1830 et puis qui avait eu énormément de succès au salon. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on s'attache à montrer et je crois que c'est la première fois dans une exposition sur ce thème. D'abord il n'y a pas eu tant d'expositions que ça sur les expositions impressionnistes, mais où on veut vraiment montrer tout l'éclectisme des œuvres, donc on fait se côtoyer Renoir et des artistes absolument tombés dans l'oubli comme Pierre Bureau ou Attendu, dont tout le monde a oublié le nom. Ah bah c'est la première fois en visitant l'exposition que je voyais un cadre de Bureau. Ici, pour ce choix que vous avez fait l'une et l'autre, Anne Robbins, Sylvie Patry, merci vivement de ne pas avoir utilisé ce filtre du temps qui a éliminé tant d'artistes et pour ne conserver que Renoir et Monet. C'est très pertinent de voir ces artistes, c'est vrai qu'ils sont complètement oubliés et dont l'œuvre, sans être ridicule, n'est pas une œuvre majeure. On sent bien ce contraste-là qu'il peut y avoir entre les différentes œuvres et sans doute parce que notre regard a été formé durant toute notre formation, toute notre culture, pour sélectionner des œuvres particulières. C'était pas une évidence. C'est ça aussi qui est très difficile. C'est se remettre en place, contextualiser. Et imaginons ces visiteurs de 1874, savoir que telle œuvre va devenir Impression, Soleil, Le Vent et une référence, c'est pas une évidence du tout. Oui, c'est vraiment c'est la position dans laquelle on a voulu mettre le visiteur d'aujourd'hui, puisque pour travailler depuis très longtemps sur l'impressionnisme, je pense que Anne a la même expérience que moi. Souvent, quand on dit qu'on est en train de préparer une exposition sur l'impressionnisme, les gens, on connaît. Et donc, l'idée, c'était que le visiteur d'aujourd'hui se débarrasse de ses certitudes. Donc, il y a effectivement ces artistes qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de comprendre comment a émergé ce groupe de doseurs, comme disaient certains critiques de l'époque, donc ces audacieux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la soixantaine d'articles qui a paru en avril 1874 pendant l'exposition, que les journalistes soient hostiles ou au contraire favorables, et ils étaient en majorité favorables, en fait, ce qu'on a un petit peu oublié, ce qu'on redit dans le catalogue et dans l'expo, ils ne se sont pas trompés. Ils ont quand même perçu, et on imagine que le public a réagi à l'unisson, ils ont quand même perçu qu'il se passait quelque chose de nouveau dans la peinture française. Ce sont des artistes, Pissarro, Renoir, Degas, Morisot, etc. Ils ont fait leur début dans les années 1860 au Salon. Ils ont de temps en temps été acceptés, de temps en temps été refusés, mais ils avaient quand même déjà été un petit peu identifiés. Et quand, en 1874, ils se réunissent, ils ont une trentaine d'années, hein, c'est pas des perdreaux de l'année, ils ont déjà une petite expérience. Mais c'est la première fois qu'on va voir autant d'œuvres impressionnistes d'un coup, effectivement, dans ce contexte très éclectique. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que les gens vont faire le tri, en fait. Et c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est quand même ceux qui ont attiré l'attention des critiques en 1874. Il y a très peu d'informations sur Bureau, sur Mulot du Rivage, sur... voilà. Et c'est ce qui rend l'identification difficile, d'ailleurs, de ces peintres. Exactement. Il y a même des critiques, je ne sais plus si c'est Chesneau, qui trouve que cette hétérogénéité, que cet éclectisme les dessert. Il écrit quelque chose comme, voilà, avoir... s'être adjoint ces artistes déjà mineurs, déjà identifiés comme mineurs à l'époque, il dit quelque chose comme c'est là une erreur majeure de logique et de tactique. Donc c'est déjà ressenti à ce moment-là comme une erreur de stratégie. Donc évidemment, on n'a pas voulu la reconduire, on en a montré certains, mais il y a beaucoup de chefs-d'œuvre impressionnistes. Oui, Anne disait que dans l'exposition, il y a une trentaine d'œuvres très certainement identifiées, et au total, on présente une sélection de 80 œuvres qui avaient figuré dans cette première exposition impressionniste. Ah bah c'est d'ailleurs très impressionnant, on peut le dire nettement, mais quand on est devant un champ de coquelicots par Monet, ou l'impression Soleil, Le Vent, qu'on peut voir au musée Marmottan à Paris habituellement, on est évidemment tout de suite touché. C'est quelque chose d'ailleurs qui fait que cet art-là est vraiment devenu quelque chose de patrimonial. Et ce qui nous rend difficile à comprendre, c'est le scandale. Parce que quand on voit ce champ de coquelicots, par exemple, ben pour nous tout de suite, c'est « waouh, c'est Monet, c'est... » Est-ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui ce scandale qu'a pu provoquer cette première exposition des peintres impressionnistes? On espère, justement, en exerçant son œil, et c'est bien pour ça qu'on a voulu dans l'exposition ménager ses comparaisons, ses confrontations, encore une fois tout en nuançant le propos. Mais par exemple, dans l'exposition, on était très contente, Anne et moi, de pouvoir faire ce rapprochement. On montre ces fameux champs de coquelicots de Monet, donc qui est un paysage réalisé très certainement en plein air, aux environs de Paris, à Argenteuil. Et sur le côté gauche de la composition, vous avez un coteau qui est parsemé de coquelicots. Et dans une autre salle, on montre un tableau de Daubigny qui a beaucoup inspiré et beaucoup soutenu les impressionnistes, mais qui, à ce moment-là, expose au Salon en 1874 et qui, d'ailleurs, ne fera jamais le choix des expositions indépendantes. Il présente lui aussi un champ de coquelicots. Mais là où Monet présente une scène de la vie moderne, on a deux femmes avec leur enfant, déambulant dans cette campagne. Chez Daubigny, on a les coquelicots et on a une scène de vie paysanne. Et puis si on s'approche du tableau de Monet, on voit que ces coquelicots, en fait, ce sont de simples taches de couleurs informes, plus ou moins avec des rouges plus ou moins vifs. Quand on regarde le tableau de Daubigny, c'est aussi un petit peu, il n'y a pas beaucoup de contours, pas beaucoup de dessins, puisque Daubigny fait partie de cette génération antérieure d'artistes à propos desquels on a commencé dans la critique et dans les ateliers à utiliser le terme d'impression, dès les années 1860. Mais Daubigny nous raconte une histoire et puis c'est un petit peu plus précis. Par exemple, les coquelicots, on voit les pétales rouges et puis on voit un petit peu de noir au milieu. Alors que chez Monet, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le contraste de ce rouge pur, rouge orangé, avec le vert de l'herbe. Sachant qu'à l'époque, les peintres lisent les théories des théoriciens des couleurs et ils savent que le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires et que si on les juxtapose, on va obtenir le maximum de contraste et de lumière. Et c'est ça qui les intéresse aussi. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Et donc, on a accroché ces deux œuvres dans deux salles différentes, mais de manière à ce qu'elles puissent être vues simultanément, justement pour encourager le visiteur à exercer son œil et à se demander ce qui fait la nouveauté de cette peinture. Qu'est-ce qui va faire la spécificité de Monet, d'une œuvre de Monet en 1874, sa radicalité, la liberté de sa facture. Donc je crois qu'on a réussi. On peut les avoir toutes les deux dans le même champ de vision. Et dans cette réflexion sur le scandale, Anne Robbins, Sylvie Patry, vous allez m'expliquer. Je me dis, au 19e siècle, ils ne sont pas les premiers à avoir proposé une nouveauté. Il y a eu Turner auparavant qui a proposé des choses nouvelles. Il y en a eu d'autres. Alors, certains ont fait scandale, comme Manet, avec les grands scandales des années 1860. Pourquoi les impressionnistes, leur nouveauté fait scandale? Peut-être parce que donc il y a déjà la façon dont le scandale ou dont la nouveauté surgit, et c'est tout le propos de notre exposition. Elle apparaît, elle éclate au grand jour, si je puis dire, à la faveur d'une exposition qui elle-même dans ses modalités est une nouveauté, en fait, est surtout un signe de liberté, d'audace et d'affranchissement. C'est clairement dire un système des beaux-arts qui reste encore très centralisé à l'époque. Bah écoutez, nous, on pense différemment, on fait différemment, on voit le monde différemment, on le peint d'une autre manière et on va s'organiser de sorte qu'on va se passer de votre avis, en quelque sorte. On va s'affranchir de votre autorité. Donc je pense que ça, c'est déjà un geste assez fort. Et puis, donc on a parlé des sujets, il y a ces sujets de la vie moderne qu'on trouve en peinture, mais que les impressionnistes vont mettre vraiment au cœur de leur art dans les années 1870, sont des sujets qui sont traités en général au même moment par la presse. C'est pas des sujets qui sont jugés très très nobles, très dignes. Et d'ailleurs, le grand texte de Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, qui est publié en 1863 et réédité à la fin des années 1860 et que les impressionnistes connaissent, c'est un texte qui est écrit à propos de Constantin Guis, qui est un illustrateur de presse. Donc là, on déplace, on se situe dans les beaux-arts, dans la tradition de la peinture. Et puis ces peintres sont des peintres savants. Ils ont appris leur métier, pour certains, l'école des beaux-arts, comme Renoir, mais surtout au Louvre. Donc ce qui fait scandale aussi, c'est de prétendre se référer, s'inscrire dans la grande tradition, le 18e siècle français notamment, avec ces sujets modernes, jugés peu intéressants. Et en 1874, par exemple, Renoir montre une loge de théâtre qui est un sujet nouveau en peinture, courant dans la presse, mais nouveau en peinture. Et puis après, il y a la facture qui choque et qui fait scandale, qui est très esquissée et qui apparaît finalement comme très désinvolte. Et de manière affirmée, assumée, puisqu'on a un certain nombre d'œuvres dans l'exposition qui ont, et faisant partie de leur titre, le mot esquisse. Par exemple, le Cézanne, une moderne Olympia, Cézanne y ajoute la mention esquisse, ce qui ajoute à la provocation. Alors déjà, le tableau est choquant par son thème, puisque c'est une scène de maison close. Il est subversif parce que son titre fait directement référence à une œuvre de Manet qui était très bien connue à l'époque, l'Olympia, donc qui a fait scandale au salon de 1865. Donc ça ajoute un degré à la provocation. Et en plus, c'est une esquisse. La manière est extrêmement relâchée, avec cette espèce de désinvolture dans la touche qui va plus que surprendre. Là, pour le coup, parce que Cézanne a été particulièrement brocardé parmi tous les artistes qu'on va bientôt appeler impressionnistes, donc ce noyau de moderne qui se dégage, Cézanne va vraiment faire les frais des critiques les plus féroces. Silence les crayons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. silence dans la maison, silence sur la colline, ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins, laisse s'accomplir la magie de ses mains. Ses alpins, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur Cézanne Pain dans le cours de l'histoire sur France Culture, France Gall, évidemment. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Élise Le. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Paris en 1874 et nous visitons la première exposition des peintres impressionnistes. Anne Robbins, Cézanne et puis tant d'autres. Ils sont combien d'artistes à cette première exposition en 1874 Ils sont 31. Alors, ils sont 30 dans le catalogue. C'est pour tout mon temps d'hésitation avec une femme artiste qui, dont on sait qu'elle a aussi exposé, mais dont le nom n'est pas enregistré dans ce catalogue. Mais c'est pas une école. Ils ne forment pas une école, tous ces artistes. On évoque Cézanne, Monet, Renoir. Ce sont des individus. Absolument. C'est vraiment un assemblage de personnalités très diverses, donc liées par des affinités artistiques, politiques, enfin vraiment venant de tous horizons. Alors tous avec des personnalités fortes. Hein, ils vont très vite suivre leur propre trajectoire. Et Cézanne en particulier, oui, fait partie peut-être de ceux les plus à la marge du groupe. Sylvie Patry, on peut même dire que certains artistes exposés à l'exposition de 1874, celle qu'on appelle la première exposition des impressionnistes, ne sont pas impressionnistes. Oui, alors ça c'est vraiment, effectivement c'est un vaste débat qui est encore tout à fait fertile aujourd'hui qui divise les spécialistes. Soit on prend comme définition impressionniste, d'impressionniste ceux qui ont participé techniquement, si je puis dire historiquement, à ces expositions, qu'ont organisé un groupe au contour mouvant. On n'aura jamais le même casting. Il y aura 1874, c'est la première, mais il y en aura sept autres jusqu'en 1886, dans des lieux différents, avec des artistes différents. Donc voilà, déjà, est-ce que avoir exposé aux impressionnistes, ça suffit à être impressionniste? Bon, pas trop suspense, la réponse est très certainement non, surtout lorsqu'on sait maintenant que dans la première, sur ces 31 artistes, en fait, une toute petite minorité pour être considérée comme impressionniste. Et puis après, au sein de ce noyau, donc, de ces grands noms, Cézanne, Renoir, Degas, Morisot, Sisley, Pissarro, etc., vous avez des tendances, des individualités, et puis des tendances qui se dégagent. Vous avez plutôt les paysagistes, autour de Monet, Pissarro, Sisley, les peintres de figures, Renoir, Degas, Morisot. Vous avez des tenants du plein air. Sisley à ce moment-là, Monet et ses farouches opposants. Degas disait qu'il fallait travailler de mémoire en atelier et qu'il se moquait beaucoup de cette mode de la peinture en plein air. Donc voilà, plein de sensibilités, plein d'individualités qui vont quand même continuer à exposer ensemble, à se rassembler, bon, qui vont parfois se fâcher entre elles. Il y aura des différents esthétiques, politiques qui font que ce groupe, c'est une dynamique en perpétuelle évolution et que voilà, de temps en temps, il participe à une expo impressionniste, de temps en temps, il la boycotte. Il y a vraiment des jeux d'alliance et de tendance, c'est vraiment passionnant. Monet, Claude Monet, le chef de file du mouvement, ne participe pas à toutes les expositions impressionnistes. Il est à la première, mais les suivantes, quand on regarde, il n'est pas là tout le temps. Oui, parce que la question du salon reste importante. Donc le salon où quasiment tous, sauf Cézanne, ont exposé pour Pissarro dès la fin des années 50, enfin en tout cas où ils commencent à exposer au milieu des années 60, ils vont y revenir. La plupart d'entre eux vont y revenir à la fin des années 70, au début des années 1880. Alors Renoir va être le premier dissident à y retourner, donc suivi effectivement par Monet en 1880. Et Degas va instaurer ce principe d'exclusivité de la participation côté exposition impressionniste. Donc ça va rester une question centrale. Et puis comme l'a dit Sylvie, il y a ces questions d'inimitié. Par exemple, en 1882, Degas et Cassatt vont décider de se désister parce que Caillebotte veut barrer la route à Raffaelli. Enfin, vraiment de l'ordre de la cuisine interne, mais en même temps fascinant, puisque ça prouve que le groupe n'aura jamais d'unité à proprement parler. Ça ne cesse d'évoluer, de 74 à 86. Ça ne cesse d'évoluer, et même la question du nom pose problème. Mon père croyait tellement à la discipline du peintre, croyait tellement au fait que les éléments que l'on doit rassembler pour mettre sur une toile, ça s'amasse et ça se digère lentement, que pour lui, l'idée de l'impressionniste, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui vous frappe l'œil et que l'on lance, n'est-ce pas, comme une balle de tennis immédiatement sur la toile, ça l'agaçait. Dès le début, il a détesté ce mot impressionniste. C'est Jean Renoir qui parlait de son père, Auguste Renoir. Alors, Renoir, personnage extraordinaire, bien sûr, et puis, c'est sûr, avec des œuvres identifiable très facilement. C'est aussi peut-être ça la force de ces artistes avec leur chemin et leurs individualités. On reconnaît un Monet, on reconnaît un Renoir. Renoir refuse de s'associer au mot impressionniste. Alors pourquoi ça ne lui plaît pas, ça? Renoir était vraiment réticent à toute idée de groupe. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Et c'est ça qui est frappant quand on examine cette histoire de la première exposition impressionniste, c'est que ce terme d'impressionniste, donc il apparaît dans la presse une dizaine de jours après l'ouverture de l'exposition, le 25 avril, donc dans cet article dont on a parlé, un article de Le Roi. Il est repris quelques jours après par un critique, cette fois très établi, Castagnari, qui est un ami de Courbet, de Manet, enfin quelqu'un qui est très bien identifié dans le champ artistique, qui écrit dans un journal très respecté, Le Siècle. Ce terme est concurrencé par d'autres termes. En fait, il ne s'impose pas de façon claire en 1874. Et Renoir, lui, effectivement, ce qu'il gêne, c'est cet effet de groupe. Il dira toujours que ce qui l'intéresse, c'est plutôt d'essayer de prendre rang à la suite des peintres du Louvre qu'il a toujours admiré. Mais quand même, en 1877, lorsque ces peintres se réunissent à nouveau pour la troisième exposition du groupe, à ce moment-là, ils reprennent à leur compte ce terme d'impressionniste. Et pour la première et seule fois, d'ailleurs, ils s'autoproclament impressionnistes. Alors pourquoi ? Peut-être parce que effectivement le terme est devenu n'est plus péjoratif comme il l'était en 1874. Il a commencé un petit peu à se diffuser, et puis surtout parce que ça leur permet d'évacuer un autre mot qui leur colle à la peau, qui est le terme d'intransigeant et qui a des résonances politiques. Et là, ils veulent vraiment, à ce moment-là, se débarrasser de cette assimilation, de l'amalgame qui peut être fait et qui est fait dès 1874 entre les impressionnistes et puis politiquement des intransigeants. Il ne faut pas oublier qu'on est à un moment, les débuts de la Troisième République, fragile. Il y a des débats très vifs entre les républicains. Est-ce qu'il faut avoir une culture du compromis? Est-ce qu'il faut au contraire être intransigeant sur les principes républicains? Voilà, ils ne sont pas encore majoritaires à l'Assemblée. Donc voilà, il y a des tensions politiques et il s'agit aussi pour les impressionnistes de se dégager de cette lecture politique. Avec des tensions politiques chez les impressionnistes eux-mêmes, parce qu'ils sont vraiment pas tous d'accord. Ça va de l'anarchie au conservatisme pur et dur. Et Renoir, d'ailleurs, sacrément conservateur. Est-ce qu'elle est un succès, Anne Robbins, cette exposition de 1874? Parce qu'on l'a bien dit, hein, entrée payante, ouverture avant le salon officiel. L'idée, c'est quand même de vendre des œuvres. C'est le but de cette société anonyme qui a été créée spécialement. Alors oui et non, un succès, alors d'un point de vue financier, absolument pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que la société anonyme va être dissoute extrêmement rapidement, hein, dès la fin de l'année 1874. Et en termes de vente, notamment un échec assez cuisant, puisque 4 œuvres vont être vendues pendant la durée même de l'exposition, et puis une tout de suite après, donc des œuvres de Cézanne, de Sisley, de Monet bien sûr, Impression Soleil Levant, alors d'un des petits de Louis Latouche, donc le bilan de ce point de vue là est vraiment peu brillant, mais du point de vue de la visibilité de l'exposition auprès de la critique, ces artistes auront réussi à s'imposer. Ils auront eu un impact. Comme l'a dit Sylvie, la première exposition impressionniste, c'est à peu près une cinquantaine d'articles dans la presse, dont la plupart en fait sont élogieux. On en a dénombré 7 véritablement dépréciatifs, et même pire que ça. Donc on ne peut pas parler d'échec à proprement parler. Là aussi, c'est vraiment le bilan est à nuancer. D'ailleurs, ce qu'on essaie de faire dans l'exposition, le maigre résultat des ventes était peut-être dû au fait que les prix étaient en fait assez élevés. Les artistes s'étaient positionnés assez haut, justement pour faire valoir la valeur de leur œuvre. Donc, ça vaut combien un Monet en 1874? 1000 francs. À peu près. Ah, 1000 ouais. francs, c'est mais... le salaire annuel d'un instituteur. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, oui, c'est un ouvrier, ça gagne 3 francs par jour, donc. Ah oui, quand même, oui. Oui, d'ailleurs, il y en a même une que pour laquelle Monet cherche à chercher 5000 francs. Enfin, l'œuvre la plus chère qu'il présente dans cette exposition, c'est le déjeuner. Donc, une scène de genre moderne, une scène d'intérieur, donc qui date de 1870, qui avait été refusée au salon, d'ailleurs, et qui positionne très, très haut sur l'échelle des prix. Là, on est dans un prix du salon. Donc là aussi, c'est absolument à nuancer. Ces œuvres-là ne se vendaient pas véritablement pour des bouchées de pain. Un bilan à nuancer, mais la certitude d'un écho très fort sur ce mouvement. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sylvie Patry, mais le sentiment qu'il se passe quelque chose dans ce monde de l'art, qu'il se passe quelque chose parce que un monde cloisonné par l'Académie, par l'École des Beaux-Arts, un monde cloisonné par des ateliers interdits aux femmes, souvent fermés, est en train de s'ouvrir. 3, 2, 1, 0. Berthe Morisot, il faut vous le rappeler, était la belle-sœur de Manet, puisqu'elle avait épousé Eugène Manet, et fut partie naturellement de cette fameuse école d'impressionnistes qui comprenait Renoir, Sisley et tous les autres. Le thème de ces toiles est le plus souvent le thème des impressionnistes, c'est-à-dire de jolis portraits de femmes dans de jolis paysages, dans des jardins, quelques marines même, qui font tout de même beaucoup penser tantôt à Renoir, tantôt à Manet, tantôt même à Boudin. Est-ce que l'on doit s'expliquer ceci simplement par le fait qu'elle était de leur époque, ou parce qu'elle a été influencée, ou qu'elle les aurait influencées? Non, elle a vécu à la même époque, c'est surtout ça, mais c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire, il y a une sensibilité que ni Renoir, ni Boudin, ni Manet n'ont eu dans leur toile. Ils ont eu des choses merveilleuses, pas pour les diminuer, bien au contraire, mais c'est Berthe Morisot qui a imprimé quand même dans ses œuvres un style à elle. Et ben voilà, c'est ce que dit Jean-Gabriel Domergue du musée Jacquemart-André à Lise Elina qui l'interviewait. Oui, Berthe Morisot est dans cette exposition, celle de 1874. C'est ça aussi qui est important et faut en parler, on l'a bien compris. Le scandale, c'est pas uniquement parce qu'il y a une touche un peu plus vive et un peu plus de couleur. Le scandale, s'il y a eu scandale, doit se comprendre de manière plus large. Et la présence d'une femme, c'est aussi un élément, non pas du tout de scandale, mais qui montre l'évolution de ce monde de l'art. Oui, Berthe Morisot est la seule femme en 1874 à participer à l'exposition sous son nom. Il y a une autre artiste dont on ne connaît rien, dont Anne a parlé, qui était hors catalogue, comme on dit aujourd'hui. Donc son nom n'apparaît pas sur le catalogue. Elle exposait sous pseudonyme, la comtesse de Luchère. Donc on ne sait pas pour l'instant en état des recherches exactement qui était cette femme. Il y a eu plusieurs femmes qui ont participé au mouvement impressionniste, aux expositions. Marie Cassatt, Marie Braquemont. Et d'ailleurs en 1874, elles sont du côté du salon et on montre les œuvres qu'elles exposaient à ce moment-là. Et Berthe Morisot va être la plus fidèle avec Pissarro. Elle ne manque qu'une seule exposition impressionniste pour des raisons de santé uniquement, mais elle va vraiment être très très attachée à cette stratégie de l'indépendance. Elle ne retournera jamais au salon et c'est très courageux de sa part. Donc en 1874, à ce moment-là, elle n'est pas encore mariée à Eugène Manet, l'un des frères d'Édouard Manet. Elle a une trentaine d'années. Elle vient d'un milieu très bourgeois. Elle a été soutenue par ses parents dans sa vocation d'artiste. Et ce qui est audacieux, ce qui est courageux de sa part, c'est que à cette époque, pour une femme, une jeune femme de bonne famille comme elle, on peut faire de l'art quand on est, quand on fait la pratique amateur, quand on fait des aquarelles, des fleurs, etc. Mais avoir une carrière, et quand Berthe Morisot devenir professionnelle, et quand Berthe Morisot parle de son art, elle parle de travail, ça, c'est tout à fait nouveau. Et Berthe Morisot cherchera à vendre ses œuvres, à être présente sur le marché. Et ben voilà, ce mot qui termine cette émission, c'est le mot de marché. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est aussi cela qu'il faut mettre en place. Cette histoire de l'art est une histoire économique, sociale. On l'évoque avec le genre, avec Berthe Morisot. Et, disons-le, une histoire de plaisir. Paris 1874, inventer l'impressionnisme. Une exposition, c'est là pour comprendre, nous faire comprendre les choses, c'est le cas, mais c'est aussi nous donner le plaisir de voir toutes ces œuvres réunies et qui dialoguent. Merci vivement à toutes les deux, Anne Robin, Sylvie Patrine, de nous avoir présenté l'exposition dont vous êtes les co-commissaires. Merci beaucoup, c'est au musée d'Orsay, hein, je le rappelle. Merci à beaucoup. Vous. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi les paysans des Pyrénées orientales ont-ils défendu la République contre Napoléon III ? Alors que Louis-Napoléon Bonaparte fut élu avec plus de 74% des voix lors de l'élection présidentielle de décembre 1848, son score fut inférieur à 48% dans le département des Pyrénées-Orientales. À l'inverse, Ledru Rollin, le représentant des montagnards, qui avait obtenu à peine 5% des voix au niveau national, y remporta près de 30% des suffrages. Aux législatives du printemps 1849, les montagnards, qu'on appelait aussi les démoxocs, obtinrent les deux tiers des voix dans le département des Pyrénées-Orientales, et le 2 décembre 1851, quand Louis-Napoléon Bonaparte fit son coup d'État, 10 000 personnes prirent les armes. 1 000 d'entre elles furent arrêtées et 700 condamnées à de lourdes peines. Dans son étude sur les semailles de la République, l'historien australien Peter McPhee a analysé les raisons qui expliquent pourquoi les classes populaires de ce département sont restées fidèles au mouvement révolutionnaire de 1793. La première raison tient dans la gravité de la crise économique qu'a connue la France à partir de 1846. On estime que le tiers de la population active de Perpignan était alors au chômage. Des activités essentielles dans la région, comme la viticulture ou la pêche, furent particulièrement touchées. Mais ces raisons économiques ne suffisent pas à expliquer la force du mouvement républicain dans les Pyrénées-Orientales. Dans d'autres départements, fortement impactés par la crise, comme la Creuse, Louis-Napoléon Bonaparte obtint plus de 90% des voix en décembre 1848. Pour expliquer ces différences, Peter McPhee insiste sur les facteurs culturels. Le particularisme catalan, confronté à une francisation grandissante, aurait joué un rôle important dans l'opposition entre les Blancs et les Rouges, au détriment des bonapartistes. Les diverses dimensions de la culture populaire locale, fêtes patronales, carnaval, chants et danses, qui faisaient l'objet d'interdictions de plus en plus nombreuses sous la monarchie de Juillet, alimentèrent des résistances qui ont été redéfinies politiquement en mobilisant la symbolique républicaine. À cela s'ajoutèrent les tensions qui s'intensifièrent lorsqu'éclata la révolution de février 1848. Des terres communales, accaparées par des gros propriétaires partisans de l'ancien régime, furent reprises de force et de graves désordres forestiers se produisirent en Cerdagne. Ces troubles sociaux, jouèrent aussi un rôle dans la multiplication des clubs, y compris dans de petits villages. Ce fut un facteur essentiel pour la politisation du monde rural dans la région. Le dernier facteur qui explique la particularité de ce département tient au rôle qu'ont joué les personnalités locales dans les liens établis entre les aspirations populaires et les enjeux nationaux. Le nom qui s'impose ici est bien sûr celui de François Arago. Polytechnicien, physicien et astronome, ce fervent républicain fut élu député des Pyrénées-Orientales en 1831. Après la révolution de 1848, il fit partie du gouvernement provisoire en tant que ministre de la guerre, de la marine et des colonies. Mais il démissionna de toutes ses fonctions après le coup d'État de Napoléon III. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.